te regarde dormir, tu as l'air si paisible. Tu as les yeux fermés et tu souris. Te regarde dormir, tu n'as pas l'air de souffrir. Ma main dans la tienne, tu ne réagis pas. Comme si tu te moquais de ce qui nous arrive. Comme si tu savais ce qui allait venir. Cœur bat, je te sens mourir. Même si ton cœur bat, tu t'éloignes de moi.